Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 7ème dimension, le podcast qui explore toutes les dimensions du cinéma. Je suis Corentin, votre serviteur, et je suis accompagné de Melvin. Melvin, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Bah, merci à toi d'être là. Au programme du jour, des scénarios pour le moins approximatifs, des adolescents des années 2000, le réalisateur de Dragon Ball Evolution, mais aussi et surtout des morts improbables. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque à la saga Destination Finale. Alors avant de démarrer, Melvin, une question pour toi. Quel a été ton premier contact avec cette célèbre saga ? Quand j'étais plus jeune, on va dire, je cherchais les pages Wikipédia pour connaître tous les scénarios de ces films par curiosité. Ça m'a toujours fasciné de voir ces enchaînements jusqu'à arriver à... Enfin, c'est un peu triste, mais la mort des gens. Et jusqu'à ce que un jour, je me décide à voir les films et je les ai enchaînés. Pour être honnête, je les ai vus tous d'un coup. Tous d'un coup, aïe. À peu près. Ah bah, il faut admettre, c'est quand même une saga qui a quand même marqué les années 2000, notamment... par son concept, on va dire, plutôt original, qui est juste le concept étant ultra simple, à savoir des gens qui meurent de façon plus ou moins improbable. Mais surtout pour un qui sont en fait des sortes de slasher, ça renouvelle un peu le genre. Sur ça, on aura l'occasion d'en parler, slasher ou pas, et à quel point souvent ça permet d'apporter un air de fraîcheur dans ce genre. Du coup, selon le fameux réalisateur de Dragon Ball, c'est un slasher. Hein. Si le réalisateur l'a dit. Mais du coup, si jamais on démarre tout de suite, c'est Destination Finale, c'est 5 films sortis entre 2000 et 2012 pour le dernier. Et du coup, je propose que tu démarres. Donc tu démarres par le 1 sorti en 2000. Vas-y, je te laisse le présenter. Donc début 2000 sort Destination Finale 1, qui s'appellera juste Destination Finale, réalisé par James Wong, le fameux réalisateur de Dragon Ball. Et qui a commencé sa carrière sur des scénarios de X-Files et des réalisations d'épisodes. Le film raconte l'histoire de plusieurs jeunes, deux adolescents, dont un, Alex, va avoir une vision d'un crash d'avion et va empêcher lui et quelques-uns de ses camarades de mourir. Et sauf que la mort va décider de les rattraper un par un. Ils auraient dû mourir, donc ils vont mourir. Et du coup, ce que précise bien, il a une vision d'un crash d'avion qui a effectivement lieu. C'est-à-dire qu'il a une prémonition du crash. Une prémonition. Prémonition ? Une prémonition, oui. C'est tout le principe de tous les films, d'ailleurs. Ah bah, on retrouvera justement ce principe dans toutes les suites. Et du coup, toi, quel est ton avis sur ce film, ce premier opus de cette franchise ? Sans comparer à la saga, je le trouve très bon. Enfin, très bon, dans ce qu'il propose. Ça fonctionne, on s'ennuie pas, le concept marche. Et pour comparer après avec le reste de la saga, là, on va sentir par contre c'est que le début et que ça aurait pu aller plus loin. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne. On passe un bon moment. J'avoue que moi, de mon côté, j'avais assez peur de le revoir parce que j'en gardais un souvenir plutôt bon. Un souvenir plutôt assez timide, comparé aux suites notamment, mais globalement un souvenir très, très festif, très, très facile d'accès finalement. Ah non, et... c'est je trouve le plus sombre, pour le coup. Je me rappelais pas, et j'avoue que c'est extrêmement premier degré, hein, vraiment, là où les autres sont très drôles. C'est ce que diront les réalisateurs et scénaristes, c'est qu'ils ont développé dans les suites un aspect plus comique que le 1 n'a pas du tout. Ouais, mais tu parlais des slashers, mais c'est comme quasiment finalement les premiers Freddy, parce que le premier Freddy, quand tu le regardes, c'est pas drôle, il fait pas de blagues, et là où dans les suites, il est beaucoup plus second degré. Et là, en fait, les personnages, de là à dire qu'ils ont de vraies écritures de personnages, c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais ils sont vraiment très premier degré, les morts ne sont même pas si drôles que ça, c'est-à-dire que elles sont réalistes. Elles sont très réalistes, je pense notamment à celle avec le train, si tu vois là de laquelle je parle, le train et le morceau de verre. Oui. Le bus, pour le coup, c'est la seule qui je trouve vraiment drôle. Oui, mais elle reste réaliste. Oui, elle reste très réaliste, mais c'est vrai que dans les suites, il y aura un côté complètement, presque slapstick par moment. Mais là, déjà, dans ce premier opus, que moi, en tout cas, j'ai trouvé, c'est que c'était vraiment beaucoup plus premier degré. Mais contrairement à toi, je trouve qu'il est quand même un peu chiant. Je trouve qu'il est quand même... Les 20 premières minutes sont dures, mais je trouve notamment que les personnages sont vraiment, vraiment pas attachants, quoi. Alors, pour le côté long, alors, si on compare aux autres, oui, il va être moins intéressant. Mais si on prend que lui, après, je ne l'ai pas vu quand il était sorti, vu que je suis au même moment, mais je pense qu'à cette époque, il devait être un peu plus intéressant. C'était nouveau. Ouais, je pense aussi, puis après... Tu parles de ça en comparant, en fait. C'est vrai, il s'inscrit dans cette mouvance, tu sais, le fameux néo-slasher avec les Urban Legends, les Souviens-toi l'été dernier, etc. Mais là, pour le coup, dans ce premier film, il y a vraiment... c'est ouvertement fantastique. Mais, en effet, c'est vrai que je compare aux suites, mais même là, je trouve qu'il est très... Je disais très timide, c'est-à-dire que finalement, les personnages... Ça peut aller plus loin. Je me rappelle du héros et de sa copine, mais sa copine, je me rappelle, enfin, sa copine, non, son amie, qu'on voit dans la suite. Je me rappelle parce qu'on la voit dans la suite. Et les autres, je m'en rappelle quasiment pas. Si, il y a Stifler. Ah oui, ouais, maintenant que tu... Oui, ok, maintenant que moi, tu... Moi, je le retiens ça... que comme ça. Si je précise, il y a l'acteur de Sean William Scott, qui aura fait donc deux rôles dans sa vie, Destination finale, et Stifler dans l'American Pie. C'est vrai, maintenant que tu le dis, ouais, c'est celui-là. Et en revanche, tu vas pouvoir m'aider là-dessus. C'est dans celui-là ou dans le 2 que la scène de fin, le héros se fait écraser par un panneau. Non, c'est pas le héros, mais non, un personnage se fait écraser par un panneau. Je sais plus. C'est dans celui-là. Parce que vraiment, j'avais le souvenir de cette scène de fin qui était pour le moins. Improbable, on va dire, mais non, après, c'est vrai que tu vois, on s'ennuie. Je suis pas ultra fan de celui-là en comparaison des autres, mais c'est vrai qu'on s'ennuie pas tant que ça dans celui-là. Ça suit, non, parce que ça, bien. Ça gère bien le UFN, ça le gère à peu près dans tous, même le 4. Ça gère très bien dialogue et action. La réalisation, même la réalisation est pas si mauvaise. Je pense que le réalisateur n'est pas non plus. Bon, c'est pas Kubrick, on va dire, mais même dans les scènes d'action, je sais pas si t'as eu l'occasion de voir son film The One avec Jet Li. Non. Ah, pour le coup, c'était pas terrible. Dragon Ball passera en priorité. Alors, oui, mais The One était pas terrible, mais c'était quand même plutôt bien filmé par moment. Donc là, on retrouve ça. Mais pour moi, il y a aussi un problème que je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Les effets spéciaux. J'ai envie de te dire, c'est 2000. Ils font 2000. Oui. Mais et je trouve qu'en final, il n'y a pas tant que ça. Et que pour l'époque, ça allait comparer aux 4 et 5, où là, ça ne va pas du tout. Ouais, même c'est pour vrai. L'époque. Ouais. Donc je trouve si on remet à l'époque, ça va, ça passe. Ouais, mais ils ont. Il n'y en a pas tant que ça quand tu réfléchis, à part le crash de l'avion au début. Après, ça va. Non, c'est quasiment pas de sang. C'est le plus soft d'ailleurs. C'est le moins violent. C'est vrai que c'est le moins violent de toute la saga. Il est très peu violent. Bah, le seul meurtre un peu graphique qu'on a, c'est celui justement du train et du morceau de verre dont je parlais. Oui, voilà. Et celui de la douche aussi. Je pense à celui de la douche. Oui, mais pas sanglant du tout. Non, il est pas sanglant, mais il est un peu graphique, on va dire. Il est pas sanglant, mais il est graphique. Oui. Oui, mais par rapport à ce qu'on aura dans le 5, par exemple. Ouais, c'est vrai que le 5, je pense que le 5, c'est le plus sale. C'est pas le plus violent, mais c'est le plus sale. Ou le 4, Alors, okay, il est mal fait, mais il est quand même un peu violent, quoi. Mais du coup, j'ai envie de te poser une question qui, je pense, qu'on peut poser pour la saga pour les slashers en général, mais pour la saga Destination Finale en particulier. Quel est ton meurtre préféré du film? Je dirais le premier, la salle de bain. Celui dans la douche ? Oui, parce que déjà c'est le premier qu'on voit. de toute la saga. Et c'est celui qui va instaurer ce système de réaction en chaîne. Qui n'est pas spécialement beaucoup, parce qu'au final, on a juste de l'eau qui coule et il glisse et, et des shampoings qui se vident. Mais c'est celui qui va instaurer ça et c'est celui qui le fait le plus. Ce genre, traîner à côté de rails de train avec des trains qui passent, ça ne m'arrivera pas tous les jours. Alors qu'elle est dans le salle de bain, qu'elle est noire, c'est déjà plus. C'est vrai, et surtout, je trouve que ce passage-là est étonnamment bien mis en scène. Parce que je trouve qu'il y a une vraie tension et tu cherches à savoir d'où va venir la menace, finalement. Et si tu veux une anecdote, pour le tournage, la salle, dont le chef décorateur, il a fait des murs qui ne sont pas droits et un carrelage qui n'est pas très carré. Pour instaurer un sentiment que le spectateur ne se sente pas forcément très bien en voyant la scène. Je sais pas si le résultat marche au point qu'on se sente mal, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une vraie tension, un vrai décalage avec ça. Mais non, du coup, le premier film Destination Finale, du coup, on est sur... on est sur une base solide plutôt pour démarrer. Est-ce que tu as d'autres anecdotes concernant le film? Alors, il faut savoir que de base, c'était un scénario pour... la série X-Files, un épisode, et que finalement a été adapté en long métrage, qui fonctionne. Avec des fins alternatives. C'est très peu étonnant, je trouve, parce que le concept même de la série, c'est totalement de X-Files. Oui. Et après, on a précisé, mais au scénario, on a donc le réalisateur, James Wong, qui est aussi au scénario, Glenn Morgan et Jeffrey Riddick. Excusez mon accent anglais. Non, t'inquiète pas, on n'est pas à ça et près. Et on a une compositrice, Shirley Walker, qui, si j'ai bien suivi, est la première compositrice femme à avoir fait un film en entier. Enfin, une composition pour un film. Hollywood et le progressisme. Encore une idée à développer. Voilà. Moi, je suis... Et pour les chiffres, vas-y, dis-nous les chiffres. Un budget de 23 millions de dollars, il fera 53 millions de recettes dans le monde et 823 000 entrées en France. Donc, il n'est pas trop mal pour ce genre de film. Bah, c'est même plutôt bien pour un premier opus d'une saga qui vient de démarrer. Et j'étais en train de regarder la page IMDb du film. Est-ce que tu sais qui a écrit le scénario? En dehors de James Wong, évidemment. Glenn Morgan. Et tu sais quel autre film d'horreur des années 2000 Glenn Morgan a-t-il réalisé? Dis-moi tout. Le Black Christmas de 2006. Le premier remake de Black Christmas, pas celui qui est sorti en 2019. Je sais pas si t'avais eu l'occasion de le voir, ce remake. Non, je sais même pas qu'il existait. Je connaissais celui Il est avec Marie-Elisabeth Winstead, qu'on aura l'occasion de recroiser plus tard dans ce podcast. Mais c'est assez peu étonnant, parce que le remake a aussi ce côté assez... Bon, il n'est pas terrible, hein, mais il a ce côté assez, assez craspec qu'on retrouvera plus loin dans la saga. Du coup, on passe au deuxième film. Allez. Alors du coup, Destination, je m'en occupe, alors Destination Finale 2, donc, qui sort en 2003, donc 3 ans plus tard, cette fois-ci réalisé par, réalisé par David R. Ellis, mais écrit par Eric Bress et J. Mackie Gruber. Je pense qu'on aura des choses à dire. Je précise pour les spécialistes des prénoms, c'est Jonathan Gruber et David Richard Ellis. Pour les fétichistes, au moins de la précision. Mais merci à toi d'intervenir. Et en fait, ce qui sont aussi les réalisateurs de L'Effet Papillon. Et les scénaristes. Je pense qu'on retrouvera la qualité aussi dans ce film. Mais bon, au casting, on retrouve quelques personnages du premier film, dont il ne faut pas, sans révéler les actrices, mais on retrouve une héroïne du premier film, ainsi que Tony Todd, Candyman en personne. Alors pour le synopsis, du coup, qui était déjà dans le 1, en effet, dans un caméo. Donc pour le synopsis de celui-ci, c'est un personnage a une comme dans le 1, la même structure a une prémonition d'un accident de la route sur une autoroute qui la tue, elle et ses amis. Elle décide donc de bloquer les voitures sur la route afin d'éviter ça. Le crash a malgré tout lieu, mais il y a quelques survivants. Et comme dans le 1, finalement, la mort va chercher à les récupérer de façon toujours aussi improbable. Et j'ai envie de te dire, pour les scénarios, un personnage a une prémonition, il sauve des gens, ils vont mourir. Voilà. Vous faites avec ça pour les 5, ça marche. Je pense qu'on va résumer désormais les autres films de cette façon-là. Il y a juste l'intro qui change. Et du coup, pour ce 2, alors, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a un petit bout de temps quand même, peut-être 6-7 ans quand je l'avais découvert. Et la première fois que je l'avais vu, c'était pour moi le meilleur de la saga, notamment par sa scène d'intro. Je le trouvais ultra rythmé, plutôt bien réalisé, les personnages relativement attachants. Et je trouvais qu'il y avait un vrai truc, je trouvais très original, notamment sur certains meurtres. Et quand je l'ai revu... La scène d'intro est toujours aussi bien. Alors, la scène d'intro est excellente. La scène d'intro est vraiment excellente. C'est ultra bien filmé, très violente, vraiment très très très violente, notamment par rapport à celle du 1. Non, très étonnamment violente. Mais quelle déception. Enfin, par rapport à l'image que je m'en faisais, il est bien descendu de son piédestal. Je trouve que les personnages sont très plats et il se passe pas grand-chose, en fait. Il y a notamment, un immense ventre mou de 15-20 minutes au milieu, c'est dur. Donc je sais pas ce que toi t'en as pensé en le revoyant, mais moi vraiment, il est vraiment descendu de quelques crans dans mon appréciation. Moi je l'aime bien, déjà. Par rapport au 1, je trouve qu'il passe un cran au-dessus et ça fonctionne. Ça va plus loin dans ce que ça voulait faire. Mais pour le question de ventre mou, oui, je suis d'accord que ça fait des scènes. Ça a moins ce côté action-dialogue, action-dialogue. Ça a action-dialogue au bout d'un moment, et beaucoup de dialogue et beaucoup d'action. Jusqu'à la fin, il va être que de l'action et ça fait un espèce de ventre mou. C'est moins géré, c'est moins alterné. Je pense que c'est ce qui donne cet effet ventre mou. C'est vrai que, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est dès que la scène d'intro est passée, je trouve que tout le chemin de l'héroïne qui va essayer de comprendre et tout ça, en fait, à nouveau, je compare avec les suites, mais là où dans le 3 et le 5, le film aura conscience qu'on a déjà vu ça et qu'on n'a pas besoin de le revoir, c'est un peu comme tu sais, les films de super-héros où à chaque fois on te refait l'origin story. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu la connais, il n'y a pas besoin de la refaire. Et là, je trouve vraiment que c'est raté. C'est-à-dire, c'est très très long. Enfin, en tout cas, c'est le deuxième. Oui, mais... Ils ne le font pas dans le 3, 4, 5 parce qu'on connaît. Mais après, là, ça reste que le deuxième. Ah, c'est vrai, mais j'ai vraiment trouvé ça dur. Le ventre, je crois que enfin, c'est tout. Le film n'est pas long. Quoi. Le film fait 1h30 globalement. Enfin, tous les films de la saga, il y en a. 1h33 contre 1h38 pour le premier. Je trouve que là, pour le coup, le deuxième, c'est vraiment long. Le ventre mou, Moi, c'est pas le ventre mou, c'est plus la fin, toute la fin qui me gêne. À partir de quand ? Ils ont leur accident de voiture, là, tout ça, et après, ils vont à l'hôpital. Et alors, ce moment où l'héroïne a une vision encore, et qu'ils vont à l'hôpital, je trouve ça super long. Ah oui, c'est vrai, le moment où ils veulent essayer de sauver celle qui est à l'hôpital, là. Oui. Ah, c'est vrai, c'est long, ça. Eugène à l'hôpital. Ah ouais, bon, ouais, au-delà du nom des personnes, mais surtout le jeu d'acteur à ce moment-là. Oh mon Dieu. Bon, le jeu d'acteur a jamais été le point principal de la saga, hein, soyons clairs, mais là particulièrement, c'est quand même dur, quoi. Ça dépend des personnages. Ah non, l'héroïne, c'est pas possible. L'héroïne, c'est pas possible. Ouais, mais le policier, ça marche. Ah, le policier, oui, mais l'héroïne, celle que tu dois suivre, c'est-à-dire que... Alors, je l'avais vu qu'elle avait joué dans Virgin Suicide, qui est un film que j'adore, tu sais, de Sofia Coppola, le premier. Oui, je vois. Mais là, mais mon Dieu, quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, vraiment, c'est pas possible. Et en revanche, du coup, j'ai à nouveau envie de te demander, déjà, ton avis sur la fameuse scène d'intro. Tu ne l'as pas donné en détail, et je suis très curieux de l'entendre. Mais également, comme pour le 1, ton meurtre préféré. Alors, pour la scène d'intro, c'est ma préférée de toute la saga. C'est la plus impressionnante. Le 5 Non, celle-là, cette scène Oui, de 3. Je mais... la trouve mieux que le 5, oui. Ah ouais, quand même. Ah, quand même. Je la trouve plus grandiose. Ah, c'est vrai Enfin, disons, que... ça a réussi. Ça a réussi quelque chose que le 5 réussit aussi, mais moins. Je trouve que c'est que ça te présente tous les personnages sans te les présenter. Tu les vois tous dans leur voiture, ils se dépassent les uns les autres, et tu les vois vraiment tous. Et je sais pas pourquoi, mais tu les retiens. Et surtout, tu parlais du côté action-réaction du 1. Je trouve que dans cette scène d'intro-là, c'est extrêmement bien, bien expliqué, bien mis en scène, c'est clair. Et dès que tu vois un objet, tu t'imagines toutes les menaces qu'il peut représenter, et ça arrive. Et c'est très lisible, surtout. Ce qui Comme est scène. étonnant. Mais le réalisateur, là, David Richard Ellis, a été cascadeur avant. Notamment Il avait... dans Matrix 2 et 3 et des films comme ça. Et je suis à nouveau sur sa page IMDb, et là, pour le coup, c'est purement... c'est un petit plaisir, et il a réalisé Des Serpents dans l'Avion. Et Oui. ça, c'est... Et Sharks 3D, qui est aussi un film que j'aime beaucoup, c'est très personnel. Mais oui, voilà, il a commencé en tant que cascadeur. C'est donc il avait un peu du. Il connaît quoi. Et tu as... Et du coup, et ton meurtre préféré du film? Franchement, je sais pas. Ah, il faut, tu peux arriver à J'hésite. en choisir. Moi, j'en ai un très Le personnel. peut-être le premier encore. Lequel? Là, pour le coup, parce que j'avoue que je les Le ai en tête, gagnant mais du je sais plus. loto. Alors, le gagnant, tu peux spoiler, vas-y. Hein. Le tout premier dans son appartement. Ah, lui, avec l'échelle. Ah, ça, celui-là, il est. Je te laisse le raconter parce que vraiment, il est. Celui-là, pour le coup, il est drôle. Il est vraiment drôle. Mais oui, mais ça met en place ce que je disais tout à l'heure, le phénomène de réaction en chaîne, qui comparé à pour un peu de culture quand même dans ce podcast aux machines de Rude Goldberg, qui est un petit truc entraîne un autre truc, et etc., etc., jusqu'à la fin. Je vous invite d'ailleurs à chercher les machines de Rude Goldberg, c'est très marrant. Je sais pas si tu connais. Alors non, pas du tout, mais je suis en train de regarder ça en ce moment, je suis en train de regarder ça en ce moment même. C'est un peu c'est comme des effets de, pas domino, mais genre tu mets des dominos, ça tombe, ça entraîne une bille qui fait tomber autre chose. Enfin, Ah, c'est... Ah bref. oui, il y a plein de vidéos comme ça, oui, c'est connu, c'est connu. Faut chercher juste et vous trouverez facilement. Et bien c'est, ça met ce concept qu'il n'y avait pas vraiment dans le 1, et ça l'introduit dans ce film, avec ce personnage, Evan, le nom du personnage, qui donc, pour faire vite fait, il rentre chez lui, il jette ses spaghettis par la fenêtre, donc il fait chauffer un peu au micro-ondes, sauf que dans ce plat, il y a un magnète, du coup le micro-ondes explose, sauf que lui, il a sa main coincée dans les vitres parce qu'il a fait tomber une bague, entre-temps, il y a sa poêle qui prend feu, les fenêtres se ferment, enfin bref, je ne veux pas tout spoiler, mais ça part très très loin, ça n'a aucun Kaamelott. sens. Mais C'est ça en fait fonctionne et c'est divertissant. le Là où le 1, sous-titre de les ce morts film. étaient. Non, Le vas-y, 1, les vas-y. morts étaient. Elles étaient divertissantes, mais au final, pas énormément. Là, par contre, on s'amuse. Ah oui, et surtout le Et on sous-titre. essaye de deviner. Et pour moi, le sous-titre du film, ça pourrait être La loi de Murphy, le film. Oui, clairement. Ça, et alors moi, je pense que ma mort préférée. Et je pense que tu comprendras facilement pourquoi. C'est la toute dernière, celle du barbecue. Ah oui, Parce effectivement. que, en fait, c'est alors là pour le coup, c'est tout à la fin du film. Je raconte pour les auditeurs où les personnages se disent que ça y est, c'est terminé, ils s'en sont sortis. Et à un moment, ils réalisent que ils s'en sont peut-être pas entièrement sortis. Et il y a un personnage qui est à côté du barbecue et le barbecue explose tout simplement. C'est complètement improbable, mais ça a un côté juste tellement imprévu. Et vraiment, pour le coup, j'ai vraiment explosé de rire à ce moment-là parce que le film est Mais c'est le... mine de rien, Comment? Ferré, qui mort, qui mine de rien, montre que le film va plus loin dans son explication. Parce que pour remettre en lien, donc dans le premier film, la mort devait les tuer, donc elle les tue un par un. Dans l'ordre, elles auraient dû mourir dans l'avion. Là, dans le 2, c'est la même chose, dans l'ordre inverse. Sauf qu'en fait, on apprend que chaque personnage a un lien avec ceux du précédent film, qu'en gros, s'ils étaient morts, bah, eux seraient morts aussi. Donc c'est pour ça qu'ils doivent mourir là. Et ce que je trouve bien fait, c'est qu'ils exploitent ça jusqu'à ce personnage de la fin qui était sauvé, ou qui n'était pas censé mourir dans l'accident au tout début. C'est juste un espèce de personnage secondaire, tertiaire même, random. C'est totalement un PNJ. Qui est sauvé par un personnage du film pour le coup. Et comme, donc ça repense au concept encore plus loin, comme ce personnage du film devait mourir, lui aussi devait mourir. Et c'est pour ça qu'il meurt à la fin. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça mais tellement drôle, tellement imprévu, Et très plutôt intelligent. bien vu pour le coup. Ouais. Alors sans pousser forcément jusqu'à une intelligence comme ça, mais Ah j'ai trouvé non, ça mais non, c'est vrai que plus plutôt bien que vu. l'autre. Non, c'est très bien vu et très surprenant j'ai trouvé. Quelque chose à ajouter sur ce Destination Finale 2? On retrouve la même compositrice que le premier, qu'on retrouve d'ailleurs dans le troisième. Pour le De base, l'acteur principal du premier film, Devon Sawa, qui jouait Alex, ne Ouais. revient pas. Il devait revenir dans le scénario, mais finalement, il ne reviendra pas en désaccord avec la production. Je soupçonne un peu d'argent dans le truc, mais bon. Et C'est sûr. donc, du coup, ils l'ont fait mourir. Comme tout bon scénario hollywoodien, un acteur ne revient pas, donc on le fait mourir. On le fait mourir, c'est logique. Mais du coup, merci beaucoup. Est-ce que tu es prêt à passer à le plat de résistance, finalement, de ce podcast, l'apogée, on va dire, de cette saga, sans trop spoiler, mon avis, je pense. Je peux juste donner les chiffres du 2 avant pour juste Ah comparer quand même. oui, excuse-moi, vas-y. A grosso modo le même budget, 26 millions au lieu de 23. Dans le monde, il fera à peu près les mêmes entrées. Dans France, pardon, il fera à peu près les mêmes entrées, 800 et quelques, 1000. Et par contre, le 53 millions pour le premier dans le monde de recettes, et là, il fera 90 millions de recettes. Donc la C'est saga quand même commence. quand, pour le même budget, comment ça a rapporté? La saga commence à avoir ses adeptes. Voilà. Et donc, du coup, on passe 3 ans plus tard. Je te laisse présenter ça. En 2006, Destination Finale 3, toujours appelé Destination Finale 3, sort et on retrouve, bah, je peux vous faire le scénario très longtemps, c'est le même que les autres, mais la vision du début, c'est un roller coaster. Et après, toujours le même scénario, les personnages qui devaient mourir, qui meurent à part un. Etc. etc. Et on retrouve le réalisateur, l'équipe même du premier film qui revient, donc James Wong à la réalisation et au scénario avec Glenn Morgan. Donc on reprend ceux du premier dans le 3. Je pense qu'on peut démarrer en disant que c'est le meilleur film de son réalisateur. Pas Dragon C'est-à-dire, Ball. non, mais quand sa carrière, c'est Destination Finale 1, 3, The One avec Jet Li et Dragon Ball Evolution, on n'a pas à chercher ultra loin. Bah quand même, Dragon Ball quoi. Ah, Dragon Ball, c'est vrai, Dragon Ball, c'est vrai que Sangoku qui fait de la trottinette. Et du coup, ton avis sur cet opus? Et c'est mon préféré, tout simplement. C'est Et celui que c'est en fait celui déjà que je retiens le mieux. Genre on me demande si je quand je le revois, je connais les quoi que les personnages du 2, je les retiens bien. Mais ceux du 3, je les retiens vraiment bien aussi, genre l'histoire, dans l'ordre et tout, c'est celui que je retiens le mieux. Et c'est celui que je trouve le plus abouti, avec le 5, mais on reviendra. sur ça, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est le plus Je sais pas si je sais pas, j'irais pas jusqu'à dire le plus abouti. Je trouve que le 5 est plus abouti, mais c'est en tout cas c'est le plus fun, c'est le plus rythmé, le plus drôle, parce que là pour le coup, mais c'est totalement du second degré. C'est-à-dire quand ta scène d'intro, c'est dans un parc d'attractions et que littéralement le roller coaster à l'entrée, il y a une statue de Satan qui t'accueille en disant bienvenue dans la mort. Et alors, si tu veux une anecdote là-dessus, c'est Ouais. la voix de Tony Todd. C'est la voix de Tony Todd qui fait la voix de Satan? Oui, Tony Todd ne Sur. revient pas en personnage, mais il Non, fait quand même ça. la voix du diable de la fille foraine. Voilà. Sur son CV, il a fait Candyman et Satan, il n'y a pas à dire. Et puis, je trouve que le casting, j'aime. Bon, déjà, Marie-Elisabeth Winstead, je pense que ça fait Bon, après, la seule tête connue de tous les décisions finales. Alors, pour le coup, oui. Mais je me rappelais. Alors, je crois que c'est un acteur. Alors, je me suis juste retrouvé son nom. Là, Chris Lemke. Lemke, je sais pas, qui est dans Ginger Snaps, qui est un film de loup-garou que j'adore, et que du coup que j'avais revu dans Destination Final 3 et j'étais ah bah alors, et pour le coup c'est aussi mon préféré. Je trouve que c'est le plus drôle, le plus violent. Je trouve qu'il est très très très violent sur les meurtres. Je pense à celui de la cabine de bronzage notamment. Ah, moi, je persiste à dire que c'est le 4, hein, le plus violent. Ah ouais, mais le 3, En ouais. termes de violence pure, pas en termes de réussite, en termes de violence pure. Ouais, en termes de réussite, je pense qu'on est tous d'accord. Mais en termes de violence pure, c'est vrai. Non, et sur le 3 aussi, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'idée des photos. Oui, c'est nouveau. Alors, Il y a quelque chose en plus. je te laisse l'expliquer peut-être pour être au clair. Et bien donc, en gros, à la fête foraine, le personnage principal, celle qui aura la vision, va faire des photos de ses amis. Et elle va se rendre compte au fur et à mesure du film que sur les photos, en gros, on peut connaître la raison de leur mort. Donc, possiblement les empêcher. Chose qu'il n'y avait pas qui est plus ou moins dans le 2 avec les visions de l'héroïne. Mais là, c'est poussé plus loin avec les photos et essayer de. Ça devient un jeu, en fait, même pour nous en tant que spectateurs. Oui, mais là, pour le coup, dans le 2, c'était pas bâclé, mais c'était vraiment très Oui, je approximatif. dis juste qu'il y avait l'idée. Il était là, Ah, mais là, il l'a compris vraiment. ouais, et pour le coup, le 3, je trouve que c'est une super idée. Là, vraiment, c'est très très bonne idée parce qu'il y a plein de photos. Je pense notamment au passage du moteur, on va dire, le meurtre avec le moteur. Qui. Mais Bah... Ah, tous mais plus ou moins, c'est celui-là même qui m'a le les plus surpris sportifs pour d'une le salle coup. de sport. Ah, ça, le sportif, ouais, c'est vrai qu'il y a le meurtre avec les deux poids là. Oui, on peut mettre les épées sur la photo, mais enfin, tout change. Ouais, c'est vrai. Et le 3, vraiment, c'est celui que moi je prends le plus de plaisir à revoir. C'est-à-dire, quand quelqu'un me demande est-ce qu'on revoit à Destination Finale, géant, je vais pas proposer le 1 parce que trop timide. Je ne vais pas proposer le 2 parce que moins abouti que ce qui pourrait être. Je vais pas proposer le 4 parce que trop nul. Je ne vais pas proposer le Je 5 comprends pas parce pourquoi. que Le 4, le 4, moi je là le pour le regarde coup. trois fois de suite s'il faut. Ah, j'ai noté 2-3 trucs sur le 4, hein, tu verras. Je vais pas proposer le 5 parce que beaucoup moins de morts que les autres. Mais c'est vraiment le 3. Parce que le 3, c'est drôle, c'est Sérieux, le rythmé. 5. Ouais, le 5 est très sérieux, mais le 3 est vraiment. Pour moi, c'est vraiment le plus équilibré entre humour, violence, scénario un peu à tiroir, enfin, tu vois, un peu plus imprévu, on va dire, que ce qu'on pourrait Oui, croire. Personnage perso grosso attachant. modo, destination finale, j'ai jamais été trop surpris. Oh, pour le coup, le 3, je trouve. Oui, mais je sais ce que je vais voir et j'ai ce que je vais voir. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est bon, c'est dans le 3 qu'il y a la scène avec la gymnaste. Non, ça c'est le 5. Ah, ça, c'est le 5. Ah, okay. Parce que pour le coup, le 3 et le Et 5, je c'est l'ai. toi qui es censé les avoir vus récemment, pas moi. Alors, je les ai revus, c'est juste que je les confonds. Quand tu te les refais tous à la suite, je peux te certifier que tu te rappelles pas de tout. Mais du coup, à nouveau, je pose la question traditionnelle. Quel est ton meurtre préféré? C'est quand même dur comme question. Ah, il y a l'aperçu. Allez, let's go! Il a fini cette fois? Non. Ok, je ne dis plus rien. Mais ça va, c'est arrivé pendant un blanc. Ça sera facile à couper. Ouais, là c'est bon, ce sera simple à couper. J'ai oublié de dire un truc sur le 2. Je parle à Non, la honte de qui? t'inquiète. Vaut mieux rester fluide, entre guillemets. Donc, on skip ça. Reste sur le 3. Pour que ce soit Oui, plus non, mais fluide. c'était. T'inquiète, Tac. t'inquiète. C'est bon. Ben, ça a l'air. Au pire, tu recouperas. Ça te fera un peu de montage, ça t'entraînera. Yes! Bah, du coup, je recommence. Du coup, quel Non, je peux est. répondre direct à ta question. Ok, bah vas-y. À couper au moment. Du coup, ma part préférée, c'est assez compliqué à dire en fait, parce que bah, elles sont à peu près toutes bien, mais c'est vrai que les cabines solaires là, de bronzage UV, c'est quand même pas mis trop bien. Parce qu'il est oppressant. Donc Ouais, c'est celui que je trouve le plus réussi du coup. c'est vrai qu'il y a celui-là. Moi, je pense que mon préféré, c'est vraiment celui avec le moteur. Ouais, mais il est rapide. Il est rapide, Donc, mais je sais pas, je le il est retiens rapide. pas vraiment en fait. Ah, mais c'est le plus violent pour le coup. Du film, en tout cas, c'est le plus violent. C'est vrai. Et non, et Et c'est. à la fin, quand même, le poteau qui tombe, où il reste que son bras après. Oui, mais je trouve que vraiment celui du moteur, il, moi, enfin, vraiment, il m'a vraiment énormément surpris. Et je me rappelle que quand j'avais découvert le film plus jeune, ça m'avait vraiment marqué à quel point c'était extrêmement violent. Enfin, c'est, en tout cas, c'est très imprévu. Les effets spéciaux, en plus, c'est du pratique sur cette scène, ce qui est toujours un bonus bienvenu. Mais non, et Et vraiment. faut en profiter pour la suite. Ouais, c'est vrai que vraiment pour moi le 3 c'est vraiment le meilleur, et surtout les effets spéciaux pour le coup dans le 3 c'est pas, il y a pas trop de y a pas trop de numérique, en tout cas bah, sauf Il dans y la avait scène beaucoup d'intro. de Ouais, revanche. dans le 2 il y en avait énormément, mais là dans le 3 pour le coup j'ai l'impression que c'est plus du pratique, c'est plus de la bidoche quoi, et ça fonctionne vraiment bien. Et c'est comme je disais que les cabines solaires, c'est le premier qui me. La décision finale, c'est. Officiellement, c'est de l'horreur. Mais jamais ça. Enfin, c'est plus drôle. Mais pourtant, le 3, les cabines solaires, exemple, ça me mettait pas très bien. Et c'est le premier qui arrive à faire ça. Et le dernier, d'ailleurs. C'est vrai que sur ce coup-là, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Cette scène-là, elle est vraiment, elle est plutôt angoissante, même si au final, les personnages sont tellement détestables dans la scène des cabines solaires qu'au final, ça ne me dérange pas tant que ça. Oui, mais je veux dire, il est plus stressant, quoi. Ah, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Quelque Film plus chose stressant que le 1, 2, T'as éventuellement 4. les chiffres ou quelque chose à rajouter sur Destination Finale 3? Et bien, on a toujours le même budget, 25 millions. Donc, ça change pas beaucoup. Ce Mais qui est on quand même. augmente encore le. C'est pas Ce qui beaucoup, 25 est millions. ultra peu pour un film d'horreur d'une saga qui est en train de devenir majeure de l'époque. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, les derniers. Enfin, ouais, c'est vraiment très. Plutôt étonnant, mais c'est tant mieux. Et du coup, en bénéfice? Donc en France, ça bouge pas, on est à 842 000 entrées, et dans le monde, ça augmente encore à 118 millions de dollars. On passe les 100 millions. Et je veux juste Voilà. préciser sur le scénario, donc le 2 était clairement en lien avec le premier, ce sont tous les personnages avec des liens avec les personnages du premier, et ici Quasiment, on enlève ce point. ça oublie quasiment le 2. Hein. Pour le coup, le 3, il Oui. se. Il y a un lien, c'est tout, c'est que le personnage principal est la cousine du personnage principal du 1. C'est le seul lien qu'on aura. À part les événements du 1 qui sont rappelés à peu près dans tous, il se démarque un peu, quoi. Ok. Une autre chose à rajouter ou on passe à la suite? On passe au meilleur. Alors du coup, on est à nouveau 3 ans plus tard, un rythme de production plutôt régulier, et je te laisse parler de la pièce maîtresse de cette saga, ton préféré, vas-y. Du film qu'on ne voulait pas revoir, mais qu'on n'avait pas le choix de revoir. Ouais, on peut aussi l'appeler comme ça. Donc 2009, 3 ans plus tard, on garde ce rythme des 3 ans, sort Destination Final 4, ou en VO, The Final Destination. Destination. Ils comptaient s'arrêter à 4, mais ça a marché. Ils ont fait un 5. Et Bon, le scénario, c'est toujours la même chose. Cette fois, l'accident de base, c'est une course de stop-car qui tourne mal. Et après, connaissez la suite. classique, vision, mort, on échappe à la mort, on se fait tuer. Voilà. On retrouve, alors on inverse encore l'équipe du film, on reprend ceux du 2. Parce qu'ils aiment bien alterner dans cette saga. Pareil, réalisation David Asher Ellis, scénario Eric Bress. Et on change la musique avec pour Brian Tyler, par contre. Ah, Brian Taylor, Et alors lui. ça se sent qu'on change la musique. Ah, pour le coup, la musique du 4 est pourrie, mais si avec ça. Et Brian Taylor qui avait aussi fait les musiques des Fast and Furious à la même époque. Mais il a fait beaucoup de musique, c'est pas un très bon compositeur, mais c'est ça. Et du coup, Ça ton se avis? sent dans le. Juste pour rester là-dessus, ça se sent de toute façon qu'on change par rapport aux deux premiers. Ça fait Ouais. beaucoup plus, on va dire. Les autres, ça faisait plus de composition. Là, ça fait pas pareil. C'est différent. Et du coup, ton avis sur ce chef-d'œuvre? C'est pas ouf, quoi. Le soupir qui en dit tellement long. C'était même une contrainte de devoir le revoir. Tu peux le dire, c'était une bonne purge, hein, on peut le dire. J'essaie de trouver des points positifs et le seul que j'ai pu trouver, c'est que c'est au cours de la saga, 82 minutes. C'est déjà trop, mais bon. Il fait que 1h20, il est quand même trop long. Et franchement, 1h20, et c'est celui devant lequel j'ai l'impression que je passe le plus de temps. Le premier fait 20 minutes de plus et il passe deux fois plus vite. C'est horrible, vraiment, le 4. Rien que la scène d'intro, il n'y a rien qui va, c'est immonde. On passe d'effets spéciaux plutôt jolis dans le 3 avec du bon prosthétique. Là, le 4, c'est horrible, c'est ultra moche. Surtout qu'il arrive à l'époque où la 3D arrive et donc forcément. Et encore, c'était sur ça le 4. Ça aurait pu être un 3D pour le 3, mais bon, ils ont attendu le Là, 4e. pour le coup, j'ai regardé et le 4 a même pas été tourné en 3D, c'est-à-dire qu'il a été passé en 3D. Ah, C'est mais ça, horrible. c'est moche. C'est Ah, mais moche. c'est immonde, là, qui est même. Enfin, les destinations finales ont jamais brillé par leurs photos. Sauf le 3, j'avoue que j'aime bien l'esthétique du 3. Bon, elle est pas ultra belle, mais je trouve qu'elle a quand même une patine que moi j'aime bien. Celle Mais là, du le 1 un 4. peu, celle du 1 un peu sombre aussi, Ah, ça se mais voit là. comparé aux autres. Ah, mais là, le 4, c'est moche! C'est juste horrible! Et c'est Enfin, simple, il n'y a rien qui va. Rien. Même les acteurs, rien. et même la fausse bonne idée de fin. Tu vois de quoi je parle? Oui, bah oui, non. Enfin, oui, je vois, mais non, ça va pas. Bah, en fait, pour expliquer, le héros, enfin, un personnage, va dans un endroit, assiste à nouveau à un enchaînement de conséquences, qui voit plein de gens mourir différemment. C'est un moment où il y a du rythme, il y a un truc, et là pour le coup même les idées sont pas trop mal. Je trouve que il y a 10 minutes, ça dure, non pas 10 minutes, c'est peut-être 5 minutes à peu près, où il y a de l'idée, il y a un truc, c'est bien, et j'aime beaucoup l'idée des escalators. Si tu vois de quoi je parle. Si c'était mieux fait, oui. Oui, si c'était mieux fait, oui, dans les faits c'est tellement moche Parce que c'est horrible. que pour expliquer, Vas-y. un personnage se fait happer par l'escalator, donc écrasé par les roues. Mais sauf que quand on regarde, on voit la personne et un bout de pantalon vide dans l'escalator. Ça ne va pas. C'est pas crédible. C'est moche. Et surtout, la 3D, je veux dire, la 3D, est-ce que tu l'as vu en 3D, toi, ou tu l'as vu en 2D? En 2D, comme ça, c'est encore plus moche. Alors, moi, j'ai pu trouver une copie 3D, et non, c'est toujours aussi moche, y a rien à dire, ça va pas du tout. Mais Et surtout. surtout, encore deux, trois trucs. Je me dis, quand je vois, de toute façon, on sait quel passage sans 3D. Et je me dis, une voiture qui vient vers nous au début, pourquoi pas? Des morts avec des gerbes de sang 3D, pourquoi pas? Mais un bouchon de champagne au beau milieu du film, à quoi ça sert? Ah oui, À c'est rien. vrai! Ah, ça y est, ça! Ah, mon Dieu! Mais attends, le principal problème dans cette scène que j'évoquais, où pour une fois il y a du rythme et des idées, c'est que, en fait, à nouveau spoiler, mais bon, on n'est pas à ça près, l'héroïne se dit: ah non, en fait, enfin, à la fin de Le la héros, scène, où le héros, pas pardon, le héros, l'héroïne. je pensais à nouveau au personnage féminin qui est aussi présent sur le lieu, à la fin de cette scène où tout le monde, enfin, beaucoup de personnages meurent, en fait, on réalise que tout ce qu'on vient de voir, donc toutes les bonnes idées, c'était un rêve, une prémonition à nouveau, et donc que le héros n'est en fait et tous ses potes ne sont en fait pas morts et vont pouvoir intervenir pour essayer d'arrêter tout. Et en fait, je pense que ça représente bien le film, à savoir une prémonition où tu espères voir des idées, et en fait, non, pas du tout. Alors, il n'y a pas Je pense que. d'alternative où ça s'arrête là. Où lui aussi, il y passe. Et voilà. Ah, ça aurait été bien. En plus, le film aurait été court. Encore plus court, je veux dire. 10 minutes de moins. Yes. Non, mais c'est vraiment. Même l'affiche est moche. Je veux dire, même l'affiche est pas belle, quoi. Et Donc. si tu veux si tu sors, il y a une deuxième fin alternative qui est. Alors, mais celle-là, elle est complètement barrée. Donc, il a. Je sais plus s'il a sa vision. Je crois qu'il a sa vision. Il se dit, tiens, pour sauver tout le monde, je vais me suicider. Comme ça bloque la chaîne. Mais Ce qu'on aurait pu faire depuis le non. début du film, mais bon. Et donc il prend une bonbonne, je ne sais même pas pourquoi, il prend une bonbonne de gaz, se jette de je ne sais pas quel étage de l'immeuble sur une voiture et explose. Donc il meurt. Et c'est la fin. Il aurait pu juste se jeter. Non, mais je ne sais pas, c'était pour. Le Ils avaient un budget spectacle. explosion, il fallait l'utiliser. Pour le spectacle. Et après, donc il y a ces deux amis-là qui donc, survivent, ils arrivent sur l'accident, sont tristes, tout ça, tout ça. Et ils font, oh, mais on est peut-être sauvés, on a brisé la chaîne. Ils font littéralement, on a brisé la chaîne. Et là, qu'est-ce qui tombe à côté d'elle? Une chaîne brisée. Elle prend la chaîne brisée, et là, un camion les écrase, qui vient de, on ne sait pas où, il tombe d'en haut en plus. Ou c'est pas un camion, c'est un ascenseur, ou je sais pas ce que c'est. Un truc, enfin, bref. Ça n'a aucun sens. Je comprends qu'il l'ait pas mise, quoi. En fait, j'aurais aimé la fin alternative où ils meurent tous. Au moins, ça aurait été plus court et on aurait moins souffert. Parce que non, vraiment, C'est vraiment une purge, ce film, quoi. Et surtout, un Mais truc qu'on n'a pas ouais, vas-y. précisé, c'est que le 1, 2, 3 jusque-là, c'est quand même plutôt rythmé. Je veux dire, certes, c'est pas des grands films, mais au moins il y a du rythme, on s'embête pas. Là, il fait On s'amuse. 1h20, je l'ai vu trois fois. C'est-à-dire, je l'avais vu une fois quand j'étais jeune, et enfin, quand, du coup, à l'époque où je les avais tous découverts, et déjà, je m'étais dit que c'était vraiment pas bien. Ouais, maintenant vous saurez pourquoi la santé mentale de Corentin déraille parfois, parce qu'il a vu trois fois Destination Final 4. Il y a 4. Je l'avais revu du coup il y a bon, peut-être il y a 6 mois, 1 an, quand je me les étais tous refaits en me disant allez, c'est pas si nul. Et c'était toujours horrible. Et pour le podcast, je l'ai Donc, revu encore. plus on le revoit, pire c'est. Plus tu le... En fait, mais surtout, à chaque fois, quelque chose que je me dis, c'est ah, les meurtres, il y a quand même des bonnes idées, c'est pas si mal. Et en fait, je vois la scène d'intro et je me dis ah non, c'est vrai, il y a ça aussi. Non, vraiment, Mais la scène alors, d'intro. deux Si vous. choses. Vas-y. Déjà, les personnages, ils sont clichés dans tous. Mais alors là, on atteint un summum Ah non, entre, mais déjà, entre c'est le même pas de. raciste et le personnage noir. Alors là, c'est du Ah grandiose. oui, c'est vrai, la mort du raciste, elle est incroyable. Attends, raconte là, c'est la meilleure scène de tout le film. Là, pour le coup, c'est juste hallucinant. C'est incroyable. Donc, c'est un gars raciste qui veut se venger du personnage noir. Et pas raciste subtil ou raciste un peu bien écrit. Oh Non, non, non, il est juste raciste. rassurant, le raciste de base. C'est très drôle. Donc, un peu alcoolique en plus. En vrai, c'est le gars a tout pour lui. Qui prend sa dépanneuse pour aller mettre une croix sur le jardin du personnage noir. Sauf que, je sais pas, on sait pas trop pourquoi en plus, mais ça, je viendrai à ça après. Il se prend dans le pied d'un chêne de sa dépanneuse et prend feu sur une chanson chantée par des Noirs. Ah oui, c'est vrai! Ça, non, mais du coup, c'est complètement ridicule en fait. Ça se veut un peu le côté bonne morale, etc. Mais en fait, c'est juste complètement raté. Ah, c'est oui. Mais justement, je voulais en venir à ça justement. Dans les autres, les morts sont plus ou moins logiques. Ça, en vrai, ça arrive jamais, mais ça pourrait arriver. On peut y croire. Genre, même dans le 2, là, le gagnant du loto dans son appartement, il se passe plein de choses, mais tout reste à peu près plausible. À part 1 000 explosions de voitures, mais on y croit. Le problème du 4, c'est que le film n'a aucune logique. Ça ne peut pas arriver. Quelqu'un qui se fait aspirer par une bombe d'une piscine, j'y crois pas un seul instant. Physiquement, c'est pas possible. Et c'est le problème du film, c'est qu'à aucun moment, on y croit. Ouais, donc du coup juste Destination Finale 4, c'est mauvais, c'est vraiment pas bien. Et non, enfin, je pense qu'on peut dire que c'est le pire de la saga et de très loin. Mais alors, oui, c'est de loin, quoi. Genre, on disait le 1, en vrai, c'est pas le meilleur et tout, mais par rapport au 4, Non, par c'est rapport au 4, incroyable. c'est un chef-d'œuvre, surtout le 4, mais vraiment, on le répète, mais c'est 1h20. Et il se passe mais rien du tout, quoi. Vraiment, cet épisode ne sert à rien. C'est juste nul. Il y a vraiment rien à dire. C'est vraiment, c'est pas bien. Mais C'est pas bien. quand même, par curiosité, ta mort préférée? Ma mort préférée du 4. Ou la moins pire, si tu Bah, préfères. celle du raciste me fait beaucoup rire. À nouveau, celle avec le ça. Mais du 4. Non, j'aime beaucoup celle avec le gaz dans le cinéma. Non, ou celle-là ou celle des escalators, celle avec le gaz et le, tu sais, les trucs qui se plantent Oui, je vois, je vois. celle-là, j'aime beaucoup celle-là ou celle de l'escalator, mais celle de l'escalator est tellement moche que j'ai un peu de mal à la sauver. Mais du coup, et toi, la tienne, du coup? Moi, j'allais dire la tondeuse avec la mère des deux enfants. Parce Ah que, ouais, mine de rien, elle est inattendue. Enfin, on elle... sait qu'elle va arriver. Parce qu'il y a un caillou Oui, posé au tout début, mais. genre, oh mon Dieu, un Mais caillou. elle est tellement décevante. À nouveau, tu te dis, il pourrait se passer Ouais, mais tellement de non, il trucs. sait Ça pas. pour... Ouais, mais ça, je la trouvais Non, vraiment. justement, c'est ce côté-là. Et moi, Non, je c'est pourrais en vrai. trouver une mieux que les autres, alors. Non, c'est vrai, tu t'es vraiment trouvé la moins pire. Donc, non. Destination Finale 4 à jeter, vraiment, c'est horrible. Enfin, il n'y a vraiment rien à sauver. Mais, Je m'excuse quand même mais. Ouais, vas-y. pour les chiffres, Ah oui, parce pour que les. quand même, Vas-y. c'est quand même le pire, mais c'est celui qui a le mieux marché. Oh, Là ça où fait. tous les autres faisaient 800 000 entrées en France, lui, il en fera 1 100 000. Oh mon Le Dieu. budget, il doublera à 40 millions, et dans le Et on monde, il met. fera 186 millions de recettes, ce qui fait le plus grand succès de la saga à ce C'est jour. C'est pas possible. Je pense que c'est juste tous les fans des précédents qui ont dû aller le voir, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste Et moi, infâme. je pense que c'est la famille des réalisateurs. Ils sont peut-être une grande famille. Ils ont une Donc très voilà. très grande famille, alors non, parce que vraiment c'est juste pas possible. C'est pas possible ce film. Et du coup, quelque chose à rajouter avant qu'on passe éventuellement Oui, à. juste un truc, une bonne idée qui est quand même mal faite, mais je trouvais ça bien, c'est le générique, qui est pas si mal. Ah ouais, quand on est à sauver le générique, c'est quand même dur. Genre, la police d'écriture du titre est Oui. sympa. Mais ça, c'est quand on parlera de Daredevil. Mais Ah ouais. Ouais, bon. ah ouais, bah non, ok, j'ai rien à ajouter là-dessus. Donc du coup, on passe à la suite. Allez. Et du coup, alors j'avais dit 2012 en intro, je m'étais trompé. C'est donc 2 ans plus tard sur ce coup-là, puisqu'on est en 2011. Et The Final Destination, donc le 4, était censé être le dernier. Et non. Un cinquième opus voit donc le jour. Alors cette fois-ci, toutes les équipes ont changé. Cette fois-ci, c'est ni James Wong, ni David Richard Ellis à la réalisation. C'est Steven Quayle, qui avait été, en toute simplicité, réalisateur de seconde équipe sur Avatar ou sur Abyss. Donc, il n'a pas fait des trop petits films, ça va. Au casting, on retrouve que des nouvelles têtes. À part Tony Todd qui revient pour le caméo habituel, mais c'est Mais grosso aucun modo, on membre. a des nouvelles têtes dans tous, à part dans le 2. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que celui-là, il n'y a vraiment aucun lien avec avec tous les autres films. Oui. Tu vois, il n'y a vraiment rien à voir. Ben C'est, si, mais. oui, mais là, on Mais en bon, parlera après. on en reparlera. Et c'est vraiment quasiment un reboot. 1h32, donc 10 minutes de plus que le précédent. Et quel plaisir! Sincèrement, quel plaisir sur cet épisode 5. Donc, est-ce que tu veux donner ton avis éventuellement avant? Parce que moi, pour le coup, ça a été vraiment une vraie redécouverte. Mais alors, je l'aime bien, mais c'est pas non plus, ça va pas être mon préféré, parce que je trouve la fin, toute la fin, un peu longue en fait, et très prévisible. La fin dans avec le Dès que les dans morts le s'arrêtent, si tu veux, Ah ouais, c'est au vrai que lieu de changer le plan. celui-là, il s'arrête, ça s'arrête quand même assez tôt. Donc ça s'arrête sur les. Mais d'un côté, c'est original. Ah oui, là-dessus, ça c'est sûr. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et je ne peux que partager. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que quand même, c'est vraiment. Déjà, après le 4, c'est vraiment un plaisir. Mais je trouve qu'il a une cruauté dans les morts qui jusque-là a quand même été rarement vue, c'est-à-dire que c'est à nouveau extrêmement premier degré. Celui-là, il est vraiment pas drôle pour le coup. Et Oui et non, parce que je trouve que les morts, quand même, je pense à celle de l'acupuncture, ou celle de elle l'œil. se veut, ou celle de l'œil, oui, ça reste quand même un peu second degré, quoi. On n'y Non, croit ça. pas vraiment, Ah, c'est vrai que c'est ça vrai que. amuse plus qu'autre chose, ça fait pas peur, quoi, c'est pas stressant. C'est bon, c'est vrai que celle de l'œil, pour ce coup-là, t'as entièrement raison. Mais je trouve que le 5 a quand même aussi, au-delà, plus que les autres, a surtout un scénario qui est vraiment très, pas surprenant, mais plus travaillé que les autres, on va dire. Le scénariste, donc c'est Eric Heisserer, je ne sais pas comment on dit, mais on va le dire comme ça, qui a quand même fait Premier Contact et le remake de, enfin le préquel de The Thing et le remake de Freddy. Ah, attends, il a le remake de Freddy de 2010? Et Premier Contact. Avoir ces deux films sur son CV là, je pensais pas que c'était possible. La vache! Avoir Premier Contact et le remake de. Ah, donc lui, c'est une fois sur quatre en fait. Voilà, à peu Ah près. ouais. Ah ouais, quand même. Et Mais je tiens non, juste non. à dire aussi, tu dis on Ouais. change toute l'équipe, mais non, parce que ça serait trop beau. On garde quand même Brian Tyler pour la musique. Ah, quelle chance. Bon, après ça, la musique est quand même relativement transparente sur ce Destination Final 5. Mais c'est voilà. Toujours préciser un peu. J'aime les points négatifs. Bah, bah, écoute, tu as revu Destination Final 4, je peux comprendre. Mais je pense que tu sais quoi? Je vais le Ouais. revoir après. On va faire un peu de mal. Par plaisir. Voilà. Parce que quand même, pour savoir ce que c'est un bon film. C'est vrai que ça permet de relativiser, mais non, non, non. Mais du coup, pour revenir sur cet épisode 5, je trouve notamment aussi qu'il a. une inventivité dans les... Pour moi, c'est le pas mon préféré sur les morts, mais en tout cas, c'est le plus inventif. Je me rappelle, Oui, il y en a moins que dans et la les règle. autres. Il y en a moins que dans les autres, dans mes Waouh, il y en a quand souvenirs. même pas mal. Elles sont plus Mais longues. elles sont plus longues et je pense, il y a quand même celle de l'œil que je trouve absolument incroyable. Vraiment, je pense que c'est ma préférée de tout le film. Voilà, je spoil. Mais vraiment, mais c'est un petit plaisir et j'aime beaucoup la fin. J'aime beaucoup la toute fin du film. Avec le pot Avec l'avion. à l'avion, parce que Voilà. moi c'est le oui, du coup c'est l'avion, mais le coup du pot, je trouve ça incroyable. Alors, tu peux me rappeler là pour le coup, parce que le Bah seul... alors, en gros, comme dans tous, il y a une théorie qui dit que tu peux prendre la place de quelqu'un. Donc, dans celui-là, c'est si tu tues quelqu'un, tu prends sa vie, Ouais. soi-disant. Et à un moment, il y a un des personnages qui tue quelqu'un sans faire exprès. Donc il meurt. Et lui se dit, bah, cool, je prends sa vie du coup. Et à la fin, donc il faut un pot pour le gars, parce qu'il est mort quand même, vu que c'est dans son entreprise. Ah Et oui! là, donc son patron, je sais pas trop qui c'est, lui fait, oui, mais bon, de toute façon, il a vu une tumeur, ou je sais plutôt quoi, il allait mourir. Et là, le gars, il fait, oh, et le réacteur de l'avion le tue. Et ça s'arrête là-dessus. Ah oui, c'est vrai! Ah bah maintenant que tu... Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Parce que moi, pour le coup, je pensais à l'avion avec le fait Et c'est que... au même moment en fait, c'est juste après, c'est le réacteur de l'avion. Parce que moi, j'avais gardé en tête que, du coup, juste à la fin, les personnages allaient, du coup, prenaient l'avion du 1, et du coup, le 5 se révélait être... Un Se préquel. révélait... Ouais, un préquel, du coup, au 1. Mais non, vraiment, c'est vrai, maintenant que tu dis, il y avait ça. Et non, non, vraiment, bien vu sur ça, sur 5. Non, et du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce Destination Finale 5, avant qu'on passe à la conclusion, tranquillement? Que les effets spéciaux, c'est toujours pas ça. C'est mieux que C'est le 4, mais ouais. c'est toujours pas ça. J'allais dire quand même, c'est mieux que le 4, parce que on vient de parler du 4 Oui, juste avant, t'es dur. en même temps, faire pire, c'est compliqué. Hein. En J'ai effet. vu pire. J'ai vu Dwayne Johnson en Scorpion, mais quand même. Ah, tu t'es infligé quelque chose que je que je pour lequel je compatis. Et oui, ta véritablement préférée, et si tu sors la mienne, Ah, pour le coup, autant j'aime vas-y. bien les autres, celles qui sont longues et tout, autant c'est celle de la clé. Simple, efficace. On Ah, s'y attend pas. très efficace pour le coup. On s'y attend pas surtout. Ah, ça, donc plutôt bien vu. Et donc, est-ce que pour les chiffres sur ce cinquième opus, ça donne quoi? Il rapportera un peu moins que le quatrième, mais il rapportera quand même plus que les trois premiers, avec 157, quasi 158 millions dans le monde, et en France, il fera quasi 1 million d'entrées. Donc c'est moins que le 4, mais c'est quand même mieux que tous les autres. C'est le 4 qui a fait fuir les précédents. Ouais, mais au final, il n'a pas trop impacté, quoi. Du coup, on a conclu jusque-là les films sortis dans la saga, mais est-ce que tu sais par hasard si il y a des suites ou si la saga est prévue de renaître sous un format quelconque? A toujours été prévu d'avoir une suite, plusieurs suites, et l'idée est là. Et certains scénaristes ont dit que. Et alors, il y en a qui voulaient qui parlaient dans une montagne, un accident de montagne ou de bateau, d'autres qui voulaient remonter ça au Moyen-Âge. Il y avait une idée qui était de faire une destination finale au Moyen-Âge pour monter à l'origine de tout ça. Ce Oh qui, la pas une vache. mauvaise idée, ce serait curieux. Hein. Ça sonne quand même un peu bizarre au Moyen-Âge. Autant en montagne, ça Oui, pourrait être mais intéressant, même curieux. si en montagne, pour trouver des morts originales à faire, bon courage. Ah Parce si, si. que En ski. Non, mais rien. Imagine. tu te prends un Imagine. skieur qui passe. Mieux. Une série. Une quoi? Comment ça? Découpée en deux. Une Ah, série, le truc avec des arbres. ah, ça aurait bien vu, ouais. Ça, et Ah, ben... ouais, des tire-fesses, des télésièges, on peut faire des trucs de fou. Ah bah, une mort au tire-fesse, franchement, je pense que ça, c'est ce qui manque à la saga pour qu'elle atteigne finalement le panthéon du cinéma. Et pour le coup, j'avais vu un truc passer qui date, je crois, d'il y a un an, de 2020, qui disait, pardon, que ça concernerait plutôt les mondes des pompiers, des secours, les policiers, Oui, etc. aussi. Et en fait, Ça... on a plein de. Il n'y a rien qui est confirmé, il y en a plein d'idées, mais on sait que c'est en production quand même. Enfin, ça devrait arriver un jour. C'est pas quand, mais un jour. La saga devrait continuer en tout cas. Tu sais ce que j'aimerais voir? Dis-moi. Un Destination Finale réalisé par Michael Bay. Oh, oh oui. t'as 12 morts par explosion dans le film. Mais le problème, c'est que ça fait trop de morts. Genre, t'as que des explosions, c'est pas drôle. Genre, quoi qu'il arrive, t'exploses. Ouais, bah tu vois, je pense que la scène de fin... Tu prends le 5, tu vois, le laser dans l'œil, ça explose. Je pense que la fin alternative de Destination Finale 4 a été tournée par Michael Bay. Non, mais franchement, tu la vois, celle-là, parce que c'est improbable. Ah, mais Mais je sais pas, je sais même pas ce qui tombe de cet immeuble. Ça tombe sur les deux filles. Je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait être aussi bien un ascenseur qu'un piano. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais je pense voir ça dès qu'on a fini d'enregistrer. Il y a un gars dans l'immeuble, un peu de bureau, qui se dit « Je ne marre mon beau travail, je viens de gagner au loto, hop, je balance mon bureau. » Voilà, ça pourrait se passer dans le scénario. Tu m'étonnes qu'ils ont pas gardé la scène, ils savaient juste pas quoi jeter du haut de l'immeuble. Ah non, mais enfin, c'est n'importe quoi. Ah, écoute, je regarderai ça. Et du coup, si jamais on termine sur éventuellement un classement de un classement de tes préférés destinations finales, et du coup, quel est ton préféré et pourquoi c'est le 4? Eh bien, les effets spéciaux, les acteurs, tout dans le 4 est merveilleux. Non, très sincèrement, le top 5 jusque-là de destination finale. Ça reste le. Ah, je commence par le bas. Donc, par le 4. Commence par le bas. Alors, sans surprise. Désolé. Et toi, le 4 aussi. Je te laisse faire ton classement, je dirai le mien après. Après, ok. Ah, ouais. Si tu veux, c'est pour le 4. Je comprends. Ah, vraiment, le 4, vraiment, j'aime pas là. Le 4, après, je mets le 1. Okay. Mais alors, je précise, je mets le 4. Et de très loin, je mets le 1. Parce que les 4 autres sont très collés. Enfin, alors que le 4, il est vraiment genre. C'est-à-dire qu'entre le 1 et le 4, même si jamais le 6 et le 7 sont nuls, t'as encore de la place pour les mettre. Voilà, c'est ça. Genre, je veux même le 8, 9, 10, 11, 12. Il y a de la place. Il faut même jusqu'à une trentaine, je pense. Ouais, parce que vraiment, le 4, c'est vraiment une purge. C'est vraiment une purge. Ah ouais, c'est... Et encore. Une purge, c'est peut-être mieux. Okay. Après, je mets donc 4, 1, le 5. Parce que je te dis, moi, je l'aime bien, mais je sais pas. Le 5 en 3ème. Ah, t'es dur quand même. C'est celui que j'ai le moins revu après. À part le 4. Okay. Je peux comprendre, mais. Et termine. Et après, 2 et en mieux le 3. Mais le 2 me divertit plus, on va dire. Je m'éclate plus devant. Ok, je peux comprendre. Moi, si je devais faire le mien, alors du coup, je vais démarrer par le haut pour le coup. Je pense que comme toi, tout en haut, c'est le 3 qui est vraiment le meilleur pour moi et de très loin. En deuxième, je mets le 5. Que je trouve mieux construit, plus complet. Et je l'avais pas dit lorsqu'on avait parlé, mais j'adore la scène d'intro du 5 sur le pont. Oui, c'est vrai. Mais oui. Oui. Voilà. Oui. C'est pas mon argumentation. Tourné à Vancouver, d'ailleurs, comme tous les destinations finales. Le 5 a été tourné à Vancouver ? Comme tous les destinations finales. De tête. En tout cas, le 2, c'est sûr, le 3, c'est sûr, et le. Il semble que le 4 et le 1 aussi. Les réductions d'impôts. c'est pas une blague, hein. C'est la législation là-bas permet de réduire les impôts à payer lorsqu'on tourne un film. Et en troisième. Ils auraient dû tourner le 4 dans un pays beaucoup plus loin, alors. Beaucoup plus cher. Ça aurait permis au moins de pas trop le subir. Ensuite, concernant le. Donc en troisième, je pense que je mets le 2, mais de très, très. Vraiment pas loin derrière le 5, mais le 2, juste pour la scène d'intro. Quatrième, je mets le 1, comme toi, et cinquième, quelle surprise, le 4, qui est vraiment. Vraiment je le comprends pire pas. De... Oh mon dieu, le 4! Non mais. Mais pourquoi? Bah, ce plot twist! Non, plot twist de rien du tout. Le 4, c'est à jeter, y a rien à sauver là-dedans, c'est vraiment infâme le 4, quoi. Si vous aimez souffrir, hein. C'est le but des films d'horreur, donc pour le 4. Je pense très sincèrement que le 4 Tu as vu les suites en DTV des slashers des années 2000, style Souviens-toi l'été dernier ou les Urban Legends? J'en ai vu aucun tout court, donc Je voilà. pense que le 4 est au niveau de Urban Legend 2 ou 3. Peut-être pas le 3 quand même, mais il est bien au niveau du 2. C'est vraiment, vraiment horrible. Donc, non, c'est le Et 4. justement, parce que je rappelle que je suis adepte de la VF, donc je les regarde en VF. Donc Ouf! petit point VF. Donc forcément, dans ce genre de film, la VF, c'est pas non plus le meilleur truc du monde, mais finalement, dans le 1, 2, 3. Elle fonctionne bien. Et le 5 aussi, mais alors le 4, même sa VF est nulle. C'est-à-dire que des gars qui soient dans une course de stock-car dans le gradin, avec des trucs qui s'écroulent sur eux, ou dans une pièce, ou devant un incendie, ils feront la même voix. Et c'est même ça, ils n'avaient pas le budget. Ils ont fait, non, on ne fait pas de... Hop, c'est bon. Envoyé, on fait pas de post-prod. Mais c'est... Non, mais vraiment, quand on dit que le 4, c'est rien à sauver, c'est vraiment... Si vous voyez les destinations finales, voyez le 1, 2, 3 et à la limite le 5, mais ne vous Et infligez pas le surtout 4. que le 2 est en lien avec le 1, le 5 qui fait quelque chose de nouveau, et le 3 c'est le meilleur. Le 4 il n'a vraiment rien à voir avec les. Je veux dire, il se Non, passe facilement quoi. le 4, il fait Il y a acte de où. présence. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a vraiment aucun lien avec le reste. Non, À c'est... part une piscine qui s'appelle du même nom que le personnage du Non, 2. non, non, on retrouve le Voilà. chiffre 180 qui est inhérent à toute la saga, c'est le vol 180, etc. Mais ça, mis à part, il n'y a rien du tout, quoi. Ah si, il y a une référence au premier film avec le bus. Il y a la même. Ouh, wow. Quand on est à repomper des morts du premier film qui, comme on l'a dit, Mais est il quand le même dit dans la vachement petit. réplique. Il fait, oh non, l'ai déjà vu tout ça, et boum. Comme dans le 1. Subtilité quand tu nous tiens. Voilà. Bon, je te propose qu'on conclue ce premier épisode. Allez. Bah du coup, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle exploration hasardeuse sur les chemins merveilleux du 7e art. Cette fois-ci, sans spoiler, qui sera consacrée à un réalisateur. On n'en dit pas plus, mais que Bien. toi, tu as hâte de découvrir, n'est-ce pas? Et oui, que j'ai vu un seul film pour le moment de lui. Moi, Voilà. j'ai tout vu sauf sa série, que du coup j'ai hâte de... que je pense que je vais tout revoir par plaisir, mais a priori, le standard qualité devrait quand même monter de 3 ou 4 crans par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, à partager le podcast et à mettre des notes ou des commentaires sur les différentes plateformes. Donc, merci à toi, Melvin, d'avoir été là. Tu as été très sport sur les destinations finales jusqu'au 4. Jusqu'au 4, c'est dire. Je l'ai revu pour le podcast, hein. C'est vraiment que j'ai l'envie, quoi. Oh, tu peux dire que tu l'as revu par plaisir, tu sais. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il me manquait. J'hésitais entre ça et Sherlock Holmes, je me suis dit non, Destination Final 4, c'est mieux. Ah, c'est vrai que Destination 4, c'est une valeur sûre. Donc, bah, Ah merci ouais. beaucoup à toi et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et si vous voulez proposer des réalisateurs ou des sagas qu'on traite, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez On prend pas note. à suggérer en commentaire ou à directement nous envoyer des messages sur les réseaux. Merci Pas beaucoup la et à la... peine, pas la peine de proposer les tuches, on le fera, vous inquiétez pas. Alors, pas tout de suite. Je sors de Destination Final 4 encore une fois. Peut-être pas les tuches Et tout de moi, il faut que suite. je convainque Corentin. Je parle un peu vite. On en discutera une autre fois. Ouais, du coup, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines.